Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand le soleil sera une sphère obscurcie, que les étoiles tomberont éteintes, que les montagnes seront mises en mouvement, que les chamelles en gésine seront délaissées, que les bêtes sauvages seront rassemblées, que les mers seront enflammées, que les âmes seront réunies en couples semblables, et qu'il sera demandé à la fillette, enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée, quand les feuilles du livre des comptes seront déployées, quand le ciel sera dépouillé, que l'enfer sera attisé, et le paradis rapproché. Chaque âme saura alors ce qu'elle aura accompli. J'en jure par les étoiles qui se meuvent, qui surgissent et s'éclipsent, par la nuit quand elle rampe et se répand, par l'aurore quand elle respire, que c'est la parole d'un noble émissaire, fort de l'estime du détenteur du trône, écouté et loyal. Votre compagnon n'est certes pas fou. Il l'a bien vu à l'horizon où tout est clair, et ce n'est pas lui qui sera avare du mystère révélé. Ce n'est nullement la parole d'un démon lapidé. Qu'allez-vous donc chercher? Ce n'est là qu'un rappel pour l'univers, pour ceux d'entre vous qui voudraient prendre le droit chemin. Or, vous ne voudrez rien qu'Allah ne veuille, lui, le Seigneur de l'univers.